Bonjour à tous, aujourd'hui 12 avril, on vient vous donner quelques nouvelles. Alors, on est arrivé à El Calafate, ça fait déjà à peu près 2 semaines qu'on est en Argentine. On s'était quitté à Cochrane, si mes souvenirs sont bons. Et bon, depuis à peu près un mois qu'on a continué à marcher, on a connu la Caleta Tortel, dont vous avez sans doute vu les passerelles atypiques, et ensuite la Villa O'Higgins. On a pu encore une fois au Chili on a pu profiter d'une hospitalité incroyable, et même les militaires nous ont invités à dormir chez eux une nuit à Tortel. On a été pendant plusieurs jours invités aussi dans la maison de deux jeunes professeurs qu'on avait rencontrés et qui avaient crever une roue alors qu'ils revenaient de vacances, et on les avait rencontrés au bord du chemin. Ils nous avaient invités à passer chez eux, puis finalement ils nous ont logés pendant notre séjour à Tortel, et on a pu grâce à eux connaître un peu l'intimité de ce village très pittoresque, mais dont la vie est pas forcément facile. Et grâce à leur expérience, puisqu'ils vivent là-bas depuis plus d'un an. Et grâce à eux aussi, on a pu faire une petite activité avec les enfants de l'école et leur montrer un peu tout ce dont on a besoin pour faire du camping, et que c'est pas si difficile que ça, et que donc il faut aller. C'était une manière de les motiver à aller connaître leur région aussi, puis le reste du pays. Et puis ensuite, on a traversé en Argentine. D'abord par une traversée d'un lac, puis un sentier qui nous a emmené à peu près en une journée de marche à l'Argentine, et au secteur de El Salten d'abord, où il y a une impressionnante montagne et un massif d'aiguilles de granit incroyable que les alpinistes chevronnés pardon du monde entier et viennent défier. Et bon, peu sont ceux qui peuvent arriver au sommet, parce que c'est une escalade qui est très difficile, et aussi parce que les conditions climatiques sont assez défavorables. Et à cet endroit-là, il y a un contraste de végétation impressionnant, parce que le Salten, c'est à peu près 400 mm de pluie par an, c'est un climat de steppe semi-aride. Et à côté de ça, il y a ces montagnes là qui sont au bord du Campo Hielo, où on a des précipitations qui sont largement supérieures à 3000, 4000 millimètres de précipitations, souvent en neige, qui alimentent les grandes étendues de glace, de glaciers qui existent dans cette région là. Et puis ensuite, bon, on a commencé à marcher dans la Pampa, et ça c'était une belle expérience. Vous verrez les photos qui ont absolument rien à voir avec ce qu'on a pu connaître au Chili. Et je vous fais là part d'un petit passage de mon carnet de voyage. Donc, du 1er avril, le jour où on est sorti de Chalten en direction de Calafate. L'incroyable contraste de paysage de la Patagonie nous permet d'avoir l'impression de recommencer un nouveau voyage dans le voyage. Nous sommes émerveillés par ces nouveaux paysages qui s'offrent à nous. Immenses étendues sur fond de montagne. Le soleil, puissant lorsqu'il apparaît, nous offre des éclairages superbes. Nous pouvons observer d'autres oiseaux, condors, rapaces. On a pu observer aussi des guanacos, qui sont de la famille des lamas, et des camélidés, et des autruches, qui s'appellent Niandou. Et malgré la sécheresse ambiante, et la rudesse du climat, des fragiles fleurs qui nous accompagnent au bord du chemin et que nous n'avions pas encore pu observer. La route trace de longues lignes droites à travers le paysage. Au fond, un petit point apparaît, c'est un renard qui traverse et disparaît. Une voiture nous dépasse, pendant plusieurs minutes encore nous l'observons de plus en plus petite. Puis s'efface comme un vague souvenir, un mirage. Cette nuit, le vent s'est arrêté de souffler et ce matin, le soleil nous salue au sortir de notre tente. Pour la première fois depuis bien longtemps, nous pouvons vivre un peu à l'air libre, sans besoin de marcher pour nous réchauffer ou de nous cacher dans un refuge. C'est une grande allégresse de pouvoir sentir un peu de soleil nous réchauffer. Les pays désertiques offrent de bonnes conditions pour exercer sa foi. Nous nous guidons avec notre carte routière pour trouver les points d'eau. Jusqu'ici, elle nous a indiqué avec précision les 4 cours d'eau qui traversent notre route en 90 km et qui nous séparent de la route 40. Aujourd'hui, nous attendons avec patience El Arroyo del Puesto, la rivière del Puesto. Rien dans le paysage laisse présager la présence d'un ruisseau. Lorsque tout à coup, au bord d'une dépression, nous nous trouvons nez à nez avec le panneau indiquant le nom de la rivière et le pont correspondant. Nous n'osons pas regarder en contrebas de peur de trouver son lit sec. Oh surprise, l'eau coule et nous en profiterons pour faire une bonne pause. Les longues lignes droites se succèdent l'une après l'autre. Elles accèdent au titre de plus longues lignes droites de notre marche, chacune l'une après l'autre. L'échelle du décor a changé. Nous ne sommes désormais plus que 2 fourmis minuscules dans ce paysage grandiose. Nous devons nous réadapter à ce nouveau rythme, cette nouvelle sensation de l'espace. Après 2 jours de marche, nous pouvons observer à peu près les mêmes paysages, les mêmes montagnes au pied desquelles se trouvent El Chaltén, le glacier Viedma et le lac que nous longeons sans jamais nous rendre compte s'il est à portée de nos pieds ou non. Nous nous distrayons en écoutant de la musique et avec les voitures qui s'arrêtent de temps en temps à la lecture de notre panneau. Là, je fais une petite parenthèse. Alors, donc, on a vu que la nécessité fait germer les idées. On a eu l'idée de mettre un petit panneau sur notre sac à dos qui dit agua por favor, vous le verrez sur les photos, et donc de l'eau s'il vous plaît. Et bon, régulièrement, il y a des voitures qui s'arrêtent et qui nous offre des bouteilles d'eau, parfois de l'eau gazeuse, mais bon, pour faire les pâtes, ça sert aussi. Et donc ça nous permet de nous relâcher pendant un petit moment. Dans la soirée, nous observons des flamants roses dans une lagune au bord de la route. Voilà, donc un petit extrait. Les Argentins nous ont bien traités. On a pu connaître 2 familles à El Chaltén, les propriétaires de l'auberge où on était logés, qui nous ont fait passer dans leur salle à manger. On a beaucoup partagé avec eux. Viviane a même eu le droit de préparer un gâteau d'anniversaire pour célébrer mon anniversaire dans la cuisine de la dame. Et puis on a fait connaissance aussi d'une famille, la boulangère, qui nous ont permis de rentrer dans les coulisses, de voir comment se fabriquent les facturas, ces fameuses viennoiseries argentines qu'on aime tant. Et puis on s'est fait bien amis avec eux aussi. Voilà, et ensuite on a continué à longer le lac. On a fait une petite pause quelques jours à Tres Lagos pour se reposer et puis refaire les réserves de nourriture. Et ensuite on a continué jusqu'à Calafate, où ici toute l'offre touristique est tournée vers les promenades, vers les glaciers du Campo Hielo Sur. Et puis en général, ce type de tourisme, la pêche aussi, dans le lac, etc. Et ici, on voit dans beaucoup de restaurants, en vitrine, les moutons, le fameux barbecue de moutons grillés. C'est un mouton entier qui est vit et qui tourne, enfin, qui est embroché. C'est une espèce de croix et qui est exposée au-dessus des braises. Et en fait, c'est la manière de préparer le mouton ici en Patagonie, en Argentine comme au Chili. Et c'est une des grandes spécialités des restaurants ici que les touristes viennent manger. On a eu pas mal de vent. Comme vous verrez, on a été obligé de nous abriter dans des tubes de drainage des eaux de pluie qui passent sous la route. Heureusement, il pleut pas souvent. Donc on peut s'en servir, puis c'est propre. Et en fonction de la taille, on peut mettre la tente ou pas à l'intérieur. Enfin, on s'adapte aux différentes conditions. Ça, c'est un cycliste espagnol qu'on avait croisé à Via Orins qui nous a donné le truc. Et puis c'est vrai qu'on l'a mise en pratique rapidement parce que c'est la solution idéale et c'est quasiment l'unique solution que c'est avec le vent qui court, c'est impossible de planter ou de démonter la tente. Enfin, on a été reçu par des travailleurs qui travaillent au bord de la route, là, dans une plantation pour essayer de fixer les dunes au bord de la, sur la rive est du lago Argentino, où il y a énormément de vent. Donc le vent dominant, c'est ouest-est ou nord-ouest, sud-est. Et donc à cet endroit-là, il y a des dunes qui menacent la route par laquelle on est passé. On a vu d'ailleurs à certains endroits le sable s'accumuler. Et donc eux, ils nous ont invités. Ils avaient une caravane avec des couchettes disponibles, donc on a même pu dormir. Ils ont reçu comme des rois avec des facturas, avec des escalopes et ils ont cuisiné. Et puis on a même eu le droit de faire un tour avec des quads. Donc on m'a rapidement enseigné comment avancer. Et ensuite on allait faire un promenade dans les dunes avec Viviane qui s'accrochait à ma taille. Et puis en suivant Gonzalo qui nous montrait le chemin. Donc au coucher de soleil, c'était vraiment magnifique. Voilà, donc l'aventure continue. On espère que le temps nous permettra d'arriver jusqu'à notre but. Il nous reste à peu près un mois de marche, on calcule. Et les oiseaux sont en train de migrer vers le nord. On a croisé, vous verriez une photo d'une formation en V d'oiseaux qui étaient en train de remonter pour trouver un meilleur climat. Ils sont plus intelligents que nous. On espère que les conditions ne vont pas durcir trop. Et en tout cas, on vous tiendra au courant. Là, on va partir de Calafate aujourd'hui et puis on arrivera d'ici une semaine, 10 jours, un peu plus à Puerto Natales. Voilà. On espère que tout le monde va bien. On vous remercie pour suivre notre blog si assidûment et on vous donne rendez-vous un peu plus tard. À bientôt.